La déclaration du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée qui condamne l'atrocité et l'illégalité de la résolution de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU numéro 2371 produit des complots des forces hostiles, les États-Unis en premier lieu, apurés par le renforcement qualitatif de Corée qui condamne l'atrocité et l'illégalité de la résolution de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU numéro 2371 produit des complots des forces hostiles, les États-Unis en premier lieu, apuré par le renforcement qualitatif et quantitatif des forces nucléaires de notre République, est distribué le 15 comme dossier officiel de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU à 71 011 S 2017 687.